Christ, c'est notre devoir, notre responsabilité de lui offrir nos corps et esprits pour accomplir la commission de Dieu. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté. Nos âmes seront indignes de se martyriser pour la commission de Dieu, beaucoup plus indignes de Dieu qu'il nous donne toutes choses.